Nous sommes dans Bleu Nature et comme chaque week-end, à la même heure, nous recevons Jean-Michel Mamane, le directeur de la rédaction des Guides Balado. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Cyril. Alors hier, vous nous avez emmené en balade du côté de la région Rhône-Alpes pour faire de l'amphicar. Vous avez tous les renseignements d'ailleurs toujours sur francebleu.com ou sur balado.fr. Aujourd'hui, c'est direction la région Poitou-Charentes pour des élevages de bisons. Je vous amène au pays du bison. Racontez-moi, ça se passe où ? Alors, on part à Valdivienne, c'est à 30 km de Poitiers. Et là, on va découvrir un élevage de 350 têtes, donc de bisons, tête et corps, tant qu'à faire. C'est un spectacle qui est impressionnant, c'est-à-dire que c'est un élevage qui est ouvert tous les jours à la visite. Vous avez Germain Redin qui répond gentiment à toutes vos questions, qui vous guide, qui donc s'occupe de cet élevage et qui vous compte même comment les Indiens utilisaient au quotidien chaque partie de cet animal. Bah oui, la peau de bison, c'était pour les tipis. La panse, je sais qu'elle servait également de marmite, qui était chauffée de l'intérieur par des cailloux brûlants. Et effectivement, on utilisait la peau pour des tipis. Les tipis, les tapis, les vêtements. Donc ça change assez des fermes d'autruches, chantres équestres, etc. Ouais. Et la rencontre avec le bison est assez impressionnante. Hein. Alors l'élevage de bison, il est destiné à l'origine à la production de viande de bison ? À la viande de bison, mais ils ont été un peu plus loin. C'est que tant qu'à faire, avec 350 têtes, on les montre. Et donc chaque année au mois de mai, donc ça sera maintenant pour l'année prochaine, il y a une illusion américaine qui est à son comble, puisqu'on vous fait revivre l'époque de Buffalo Bill. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fête qui réunit quand même plus de 35 000 personnes qui viennent de toute la France, des Indiens, des cow-boys, et ça danse le country au son de la musique country et d'une animation. Et ça se passe vraiment sur place, ça a beaucoup, beaucoup de succès. À moi qui ne savais plus quoi faire de mes déguisements de cow-boy des années précédentes, je vais y aller pour le mois de mai prochain. Il y aura Pocahontas ou pas ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait encore programmé sa venue cette année, mais c'est fort possible. Alors, les enfants peuvent venir, on peut les approcher vraiment de très près ou c'est dangereux quand même ? Parce que le bison, c'est assez impressionnant, honnêtement, le caresser. On ne va peut-être pas aller jusqu'à le caresser, mais bon, c'est vrai qu'on est quand même guidé par Germain Redin. On peut y aller avec des enfants à partir de l'âge de 2 ans, c'est ce qui est recommandé. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui s'amusent à découvrir ça. Franchement, c'est original. Hein. Alors, l'entrée pour cette visite, pour découvrir cet élevage de bison ? C'est vraiment pas cher puisque c'est gratuit. Ah, bah alors encore mieux. Donc, on amène toute la famille. On va y consacrer une petite heure. C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment une petite balade sympathique à faire. Je pense qu'ils gagnent aussi leur vie par la boutique, puisqu'on peut acheter de la terrine de bison, du saucisson, des plats cuisinés, etc., etc. à la boutique. Tout ce qu'il faut pour garder la ligne. C'est une passion. Il veut faire partager vraiment ça, parce que des élevages de bison, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a très peu. Germain Redin, il a démarré son élevage il y a déjà 16 ans. En France, donc, et c'est devenu l'un des élevages les plus importants, hein, puisqu'il a commencé avec 40 bêtes, et aujourd'hui, comme je le disais, il y en a 350. 350 têtes. Donc, à voir si vous allez vous balader en Poitou-Charentes. L'élevage de bison, vous nous rappelez l'adresse, s'il vous plaît, Jean-Michel ? Donc, c'est à la Roussalière, donc c'est une ferme qui se trouve à Valvidienne, dans la Vienne, dans le 86. Les renseignements, on les retrouve sur votre site internet qui est balado.fr. Et puis également sur notre site francebleu.com avec le podcast pour réécouter tous les renseignements que vous nous avez indiqués. Merci Jean-Michel Mamane, et à la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir.